بسم الله الرحمن الرحيم الآن سندخل في المسألة الخامسة والخمسين 55 مسألة يقول الله تعالى والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم dit que ceux avec qui vous êtes engagés alors donnez-leur leur part c'est-à-dire dans l'héritage selon une parole verset 33 surat An-Nisa هذه الآية تدل على إيراث الحلفاء من حلفائهم وقد جاء آية أخرى تدل على خلاف ذلك ويقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله Donc là ce verset comme le dit l'auteur rahmoullahu ta'ala dans son apparence montre que nos alliés ceux envers qui on a fait un pacte ont leur part d'héritage et un autre verset est venu démontrer le contraire voilà dans le sens où il dit et que les proches parents sont plus en droit c'est-à-dire d'hériter dans le livre d'Allah Azzawajal. Dans le livre d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire que l'héritage n'est que pour les proches parents et non pas pour les alliés. قال الجواب أن هذه الآية ناسخة لقوله والذين عقدت أيمانكم ونصوها ولها هو الحق خلافا لأبي حنيفة ومن وافقه في قول إيراث الحلفاء اليوم إن لم يكن له وارث. Donc là, c'est tout simplement que ce verset-là est abrogé. Le verset cité là dans le Mabhaf est abrogé par le verset où Allah Azza wa Jalla dit que les proches parents sont ceux qui sont en droit de mériter l'héritage. Ça, c'est Mbab al-Nasir ou Mansour. Et cela à l'opposé de l'avis de Abu Hanifa et ceux qui ont été d'accord avec lui, qui disent que l'allié a droit à son héritage, une part d'héritage si jamais il n'y a personne, et lui-même n'a personne dont il hérite. S'il n'hérite de personne, alors il hérite des gens avec qui c'est allié. Ça, c'est le col de Abu Hanifa. Et de certains qui étaient avec lui. قال وقد أجاب بعضهم بأن معنى فآتوهم نصيبهم أي من الموالاة والنصرة وعليه فلا تعارض بينهما والعلم عند الله تعالى. Et une autre réponse a été donnée par des ulama, c'est que tout simplement le sens de فآتوهم نصيبهم est donner leur part, c'est-à-dire leur part dans l'alliance et dans le secours. Dans l'alliance, dans le soutien, dans le secours. Et donc, selon cette compréhension, il n'y aura pas de contradiction entre les deux versets. Naam. Fabien de la Côte d'Octafi, walhamdulillah bil alamin.